بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les anges qui se tiennent harmonieusement alignés. فالزاجرات زجرا. Qui poussent énergiquement les nuages. فالتاليات ذكرا. Qui récite le rappel. إن إلهكم لواحد. Votre Dieu est un. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Le Seigneur des cieux, de la terre, et de ce qu'il y a entre eux, le Seigneur des divers orients. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. Nous avons paré le ciel le plus proche d'une parure, que sont les étoiles. وحفظا من كل شيطان مارد. Et l'avons soigneusement protégé de tout démon rebelle. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. Ils ne peuvent écouter l'assemblée supérieure, car ils seront assaillis de tous côtés. دحورا ولهم عذاب واصب. Ils sont au loin refoulés et auront un supplice permanent. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. À l'exception de celui qui intercepte furtivement quelques propos, celui-là est alors suivi par un météore à l'éclat pénétrant. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. إنا خلقناهم من طين لازب. Demande-leur aux mécréants, qui est plus difficile à créer, eux ou ceux que nous avons créés? Nous les avons créés d'argile gluante. بل عجبت ويسخرون. Toi, tu t'étonnes, et eux, ils se moquent. وإذا ذكروا لا يذكرون. Et quand le Coran leur est rappelé, ils ne se rappellent point. وإذا رأوا آية يستسخرون. Et quand ils voient un signe, ils s'en moquent encore. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. Ils disent, c'est là de la pure magie. Est-il donc possible qu'une fois mort, réduit en poussière et en ossements, nous soyons ressuscités? Et en sera-t-il de même de nos premiers ancêtres? Dis, oui, et vous en serez tout humiliés. Il n'y aura certes qu'un seul cri, et ils seront là à observer. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. Ils diront, malheur à nous, c'est bien le jour de la rétribution. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Il leur sera répondu, oui, c'est le jour du jugement que vous teniez pour un mensonge. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Que soient donc rassemblés ceux qui ont commis des injustices, ainsi que leurs semblables et tous ceux qui les adoraient. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. En dehors d'Allah, conduisez-les vers la voie menant à la fournaise. وقفوهم إنهم مسؤولون. Arrêtez-les, car ils seront questionnés. ما لكم لا تناصرون. Pourquoi ne vous portez pas secours les uns aux autres, leur sera-t-il dit. بل هم اليوم مستسلمون. Mais ce jour-là, ils seront résignés. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Les uns se tourneront alors vers les autres et les interrogeront. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. Ils diront, vous venez à nous par la force pour nous obliger à croire. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. C'est plutôt vous, leur répondront leur chef, qui n'étiez pas croyant. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. Et nous n'avions aucune autorité sur vous. Vous étiez vous-même porté à la transgression. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. Le verdict de notre Seigneur s'est donc accompli contre nous, et nous allons certainement goûter le supplice. فأغويناكم إنا كنا غاوين. Nous vous avons certes dévoyé, car nous étions nous-mêmes dévoyés. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Ce jour-là, ils subiront en commun le même supplice. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. C'est ce que, certainement, nous ferons des criminels. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Eux qui, lorsqu'il leur était dit, il n'y a point d'autre divinité qu'Allah, se montraient dédaigneux. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. Ils disaient, devons-nous renoncer à nos divinités au profit d'un poète fou? بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. Non, il est venu apporter la vérité et confirmer les paroles des messagers. إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Vous allez certes goûter le supplice très douloureux. وَمَا تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et n'aurez pour rétribution que le prix des actions que vous aurez commises. إلا عباد الله المخلصين. Excepté les élus parmi les serviteurs d'Allah. أولئك لهم رزق معلوم. Ceux-là auront droit à une récompense bien connue. فواكه وهم مكرمون. Des fruits, et ils seront honorés. في جنات النعيم. Au milieu des jardins des délices. على سور متقابلين. Sur des couches et se faisant face. يطاف عليهم بكأس من معين. Sera alors tournée entre eux une coupe remplie d'une source blanche.

قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. Faites construire pour lui un bûcher, qu'il soit jeté dans le brasier, s'écrièrent-ils. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Ils voulurent intriguer contre lui, mais ce sont eux que nous avons humiliés. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Il dit, je m'en vais vers mon Seigneur, qui me guidera. ربي هب لي من الصالحين. Seigneur, donne-moi une descendance, qui soit du nombre des vertueux. فبشرناه بغلام حليم. Alors, nous lui apprîmes en heureuse nouvelle la venue au monde d'un garçon magnanime. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Lorsque celui-ci fut en âge de le suivre là où il allait, il lui dit, oh mon fils, je me suis vu en songe, en train de t'égorger. Réfléchis un peu et dis-moi ce que tu en penses. Il répondit, père, fais ce qui t'est ordonné, et tu me trouveras, si Allah le veut, de ceux qui savent être patients à la peine. Lorsque tous les deux se soumirent à la volonté d'Allah, et que le père mit le front de son fils à même la terre, nous l'appelâmes, oh Abraham. Tu viens d'accomplir la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. إن هذا لهو البلاء المبين. Ce fut là l'épreuve manifeste. وفديناه بذبح عظيم. Nous rachetâmes Ismaël par une grandiose bête sacrificielle. وتركنا عليه في الآخرين. Et nous le fîmes passer à la postérité. سلام على إبراهيم. Que la paix soit sur Abraham. كذلك نجزي المحسنين. Ainsi récompensons-nous les bienfaiteurs. إنه من عبادنا المؤمنين. Il fut l'un de nos serviteurs croyants. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Nous lui apprîmes en heureuse annonce la venue d'Isaac, prophète du nombre des vertueux. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Nous le bénîmes ainsi qu'Isaac et il y eut parmi leur descendance qui est porté à faire le bien et qui est manifestement injuste envers lui-même. ولقد مننا على موسى وهارون. Nous répondîmes nos faveurs sur Moïse et Aaron. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. Nous les sauvâmes avec leur peuple du grand péril. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. Nous leur portâmes secours et ils furent les vainqueurs. وآتيناهما الكتاب المستبين. Nous leur donnâmes le livre explicite. وهديناهما الصراط المستقيم. Et les conduisîmes vers la voie droite. وتركنا عليهما في الآخرين. Que la paix soit sur Moïse et Aaron. سلام على موسى وهارون. Que la paix soit sur Moïse et Aaron. إنا كذلك نجزي المحسنين. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. إنهما من عبادنا المؤمنين. Ils furent tous les deux de nos serviteurs croyants. وإن إلياس لمن المرسلين. Élie fut aussi du nombre des envoyés. إذ قال لقومه ألا تتقون. Ne craignez-vous donc pas Allah, dit-il à son peuple. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. Invoquerez-vous donc Baal, en délaissant le meilleur des créateurs. Allah, Rabbakum wa Rabb abaikum al-awwalin. Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos tout premiers ancêtres. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdaroun. Or, ils le traitèrent de menteur, et ils comparaîtront assurément, et ils seront livrés au supplice. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Excepté les élus parmi les serviteurs d'Allah. Wa tawakna alayhi fil akhirin. Nous le fîmes passer à la postérité. Salamun ala il-yasin. Que la paix soit sur Élie. إنا كذلك نجزي المحسنين. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. إنه من عبادنا المؤمنين. Il fut l'un de nos serviteurs croyants. وإن لوطا لمن المرسلين. Lot fut aussi du nombre des envoyés. إذ نجيناه وأهله أجمعين. Nous le sauvâmes ainsi que tous les siens. إلا عجوزا في الغابرين. Hormis une vieille femme qui fut elle parmi les disparus. ثم دمرنا الآخرين. Puis nous anéantîmes tous les autres. Vous passez près de leurs vestiges le matin. Et la nuit, n'entendez-vous pas raison? Jonas fut aussi du nombre des messagers. Il s'était enfui sur le vaisseau chargé. Désigné par le tirage au sort, il fut du nombre des perdants. فالتقمه الحوت وهو مليم. Le poisson l'avala, lui qui était à blâmer. فلولا أنه كان من المسبحين. S'il n'avait été de ceux qui rendent gloire à Allah, للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.